Au surlendemain de la grande manifestation anti-Brexit à Londres, la Fabrique débute une série d'émissions sur les rapports de la Grande-Bretagne à l'Europe. Aujourd'hui, la Grande-Bretagne dans l'Empire romain. Demain, nous traiterons de la question de l'anglophobie, après-demain de la Grande-Bretagne dans le monde, et jeudi, le documentaire signé Anaïs Quien et Marie-Laure Ciboulet traitera de quatre histoires autour de la Manche. Et aujourd'hui, nous recevons la directrice du Centre d'Histoire et d'Anthropologie du Droit, l'historienne du droit Soazic Kernéis. Elle a dirigé l'année dernière une histoire juridique de l'Occident dans la collection Nouvelle Clio aux presses universitaires de France. Avec elle, nous allons évoquer la Grande-Bretagne romaine, la population, les populations qui la peuplent, mais également le mélange qui s'y exerce entre droit romain et droit local. Puis nous rendrons hommage dans la deuxième partie de cette émission au grand historien et anthropologue Marcel Détienne, dont on a appris la disparition vendredi en compagnie de celui qui fut son élève et ami Christian Jacob. Enfin, Jean-Marc Bastier, rédacteur en chef de Histoire et Civilisation, évoquera le dossier du mois de ce magazine en fin d'émission. C'est au tour des Omeyyades. S'il est bien une légende qui est aussi une histoire qui est parvenue jusqu'à nous à propos de la Bretagne romaine, c'est celle évidemment du mur d'Adrien qui a donné l'occasion au groupe Black Country Communion d'écrire ce Battle for Adrian's Wall. Bonjour à vous, Soazic Kernéis. Bonjour. Ce mur d'Adrien, vous le connaissez assez bien, ma foi, pour l'avoir retrouvé dans des documents qui vous servent à votre travail d'historienne du droit, en particulier ces fameuses tablettes de Vindolanda qui ont été découvertes dans les années 1970 et qui ne cessent d'ailleurs depuis de donner des surprises à tous les historiens, toutes les historiennes et toutes les historiennes du droit comme vous. Que sont ces tablettes de Vindolanda, ce fort qui était justement juste à côté de ce mur d'Adrien dans la Bretagne, puisqu'on ne l'appelle pas encore Grande-Bretagne, la Bretagne romaine. Oui, c'est une découverte tout à fait exceptionnelle que celle qui a été faite sur ce fort de Vindolanda, le Clos Blanc, Chesterholm aujourd'hui. Ce sont des petites tablettes de bois qui ont le format à peu près d'une carte postale sur laquelle on écrivait à l'encre. Donc c'est un format extrêmement fragile et c'est la raison pour laquelle je parle d'une découverte exceptionnelle parce que a priori, surtout dans ces régions humides, les tablettes auraient dû disparaître et d'ailleurs beaucoup ont disparu. Mais là, nous avons eu la chance, si je puis dire, que ces tablettes aient été conservées. L'histoire est la suivante. Les garnisons quittant le fort pour peut-être d'ailleurs pour des raisons parce que le commandant du fort avait intérêt à ce que certaines tablettes ne soient pas découvertes mis le feu aux archives de Vindolanda de ce fort mais dans cette région il pleut souvent et c'est ce qui s'est passé la pluie est venue interrompre le feu, et c'est la raison pour laquelle ça a créé des conditions propices à la conservation de ces tablettes de bois. Ce sont des tablettes de bois d'une épaisseur de 3 mm, souvent sur du bois de tilleul, mais pas simplement du bois de tilleul. Il y a plusieurs types de bois qui sont utilisés en l'occurrence. Et donc c'est une écriture cursive, donc une écriture qui s'est répandue dans tout l'Empire romain. On est là au tout début du deuxième siècle quand elles sont théoriquement détruites, mais en fait conservées, Soisig Carneis. C'est cela. Alors en Écosse, il ne s'agit pas de. Effectivement, c'est du bois tilleul qui est le plus souvent utilisé, mais en Écosse, le tilleul ne vient pas. Donc ce sont des. Effectivement, on les appelle des tilias à Rome. Ces petites tablettes nous renseignent sur la vie de la garnison. C'est la raison pour laquelle elles ont intéressé au premier chef les historiens de l'armée, mais elles ont également intéressé les linguistes précisément parce que c'est une langue déjà vulgaire. Mmh. C'est un latin déjà vulgaire que l'on rencontre dans ces tablettes. Donc des tablettes qui intéressent l'histoire militaire, qui nous montrent véritablement la vie au camp. La vie quotidienne au camp. C'est-à-dire que l'on va pénétrer dans la cuisine du cuisinier, savoir quels sont les mets qui étaient proposés, savoir quelles sont les demandes du cuisinier. On pénètre également dans les écoles parce que l'on sait que, enfin dans les écoles, dans les ateliers d'écriture, l'on saisit l'écriture malhabile de celui qui peut-être est en train d'apprendre à écrire. On entre également dans la maison du commandant à travers la correspondance de son épouse qui va inviter la femme d'un autre commandant pour l'anniversaire de son fils. On saisit également la demande, enfin parfois également le sentiment de quelques-uns qui se désolent de la pluie incessante dans ces contrées. On saisit également la correspondance entre deux commandants qui s'invitent mutuellement. Alors on est donc tout au nord de l'Angleterre actuelle, au sud de l'Écosse. Au nord, il y a des populations indomptables et indomptées. On les appelle les Pictes ou les Calédoniens. Et c'est pour cela que les garnisons sont installées à cet endroit-là. Donc, ce qui deviendra ensuite le mur d'Adrien, c'est donc une suite de forts très important parce que cette suite de forts a permis à l'Empire romain de se conserver à cet endroit-là jusqu'au 4e siècle. Et donc, on a là aussi un témoignage pour vous qui êtes historienne du droit, qui est extrêmement important parce que sur ces tablettes, comme sur d'autres tablettes dont on parlera avec vous au sud de l'Angleterre, du côté de Bath, eh bien, on trouve des formules qui laissent entendre que le droit romain, eh bien, ne s'appliquait pas partout de la même manière, et en particulier dans ces régions de confins militaires, une sorte de désert des Tartares de l'Empire romain au nord de l'Angleterre, eh bien, c'était le gouverneur, enfin, ça n'était pas le gouverneur civil, c'était le préfet militaire de Vindolanda qui avait le droit de justice sur le fort, mais évidemment sur tous les alentours du fort et qui gouvernait la justice de cet endroit-là, ce qui permet à vous, historienne du droit, Soisig Carneis, de réfléchir à l'implication du droit romain sur des territoires qui sont des territoires marginaux de l'Empire. Exactement. Pour l'historien du droit, c'est une documentation véritablement fascinante parce qu'elle témoigne de l'emprise de la juridiction militaire dans ces régions. Lorsqu'on parle de la frontière, évidemment, il ne faut pas imaginer une ligne, mais davantage un espace. C'est un espace frontalier, et cet espace frontalier, cette regio, ce tractus, comme tractus du latin distraere, qui signifie distraire, retirer. Donc, il s'agit d'une portion de territoire qui a été retirée à la juridiction civile du gouvernement. Et qui est donc placé sous la juridiction des autorités militaires. Donc, grâce à ces tablettes, on grâce à ces tablettes, on saisit sur le vif on saisit sur le vif ce que pouvait représenter cette justice cette justice rendue dans cette région. Parce que cette justice, vous dites que c'est une discipline. Voilà, parce que vous dites que cette justice, la respublica est absente de cet espace-là, c'est-à-dire ce qu'on applique généralement dans le reste de l'empire ou dans les endroits les plus centraux de l'empire. Eh bien là, on est tellement dans un confin qu'au bout du compte, eh bien, il faut bricoler un droit qui serait un mélange entre le droit romain, le jus romain, et puis des droits locaux, des populations qui, d'une certaine façon, ne veulent pas se laisser gouverner aussi facilement. Puis parce que comme on est dans une région de frontière, eh bien, on a des relations avec ceux qui sont de l'autre côté de la frontière. Oui, alors ce bricolage, le terme est tout à fait juste. Ce bricolage, on le rencontre davantage dans des espaces civils. C'est-à-dire que là, il s'agit d'un espace militaire, et c'est vraiment la discipline. C'est-à-dire c'est une justice, c'est l'imperium du général. Et ce qui est intéressant pour nous, c'est d'une part de voir le côté rigoureux, brutal de cette coercition militaire, qui signifie des sanctions qui vont jusqu'à la bastonnade pour les soldats. A priori, mais à vrai dire, on pourrait dire que cela est bien normal, que les soldats relèvent de la discipline, hein, tout au moins dans le petit époque. Mais ce qui est intéressant pour l'historien du droit, c'est de constater à quel point cette justice militaire va s'étendre, l'emprise, comme je le disais tout à l'heure. C'est-à-dire que ce que montrent les tablettes, c'est qu'il arrivait que des civils relèvent également de cette discipline militaire. Et ce qui est tout à fait fascinant pour nous, c'est de constater que dans ce bout du monde, vraiment dans cette région absolument périphérique, tellement loin de Rome, eh bien, vont apparaître des formes tout à fait nouvelles, à savoir, je veux parler de l'appel. L'appel, la voie de recours, que chacun connaît, qui était inconnu dans le droit classique romain. C'est l'appel au prince, en l'occurrence. Exactement. L'appel à une autorité supérieure. Cette idée que l'on peut faire réformer une décision par une autorité supérieure. Eh bien, ces voies de recours qui vont se développer ensuite dans l'Empire tardif, on en a peut-être une des premières applications dans ce bout du monde, à Vindolanda, dans la mesure où un civil va se plaindre au prince, va faire un appel au prince en raison justement de la sanction qu'il a subie de façon injuste. Alors nous sommes à la fin du premier siècle, la conquête n'est pas totalement terminée, c'est compliqué pour les Romains dans cet espace géographique du bout du monde dont vous parlez, de Vindolanda, mais également dans l'ensemble de cette île de Bretagne, ça n'est pas si simple. Il y a eu des révoltes quelques dizaines d'années avant, et même une vingtaine d'années avant, avec en particulier cette révolte dont on dit qu'elle était dirigée par une femme, Boadicée ou Boudica, en 60, qui est un moment très important et valorisé par la Grande-Bretagne contemporaine du 19e et du 20e siècle comme étant un mode de résistance, un peu comme on a valorisé chez nous Vercingétorix. C'est ça. Oui. Une femme en plus. On a une difficulté à gouverner ce territoire. Et ce qui est extrêmement intéressant quand on vous lit, Soisy Kerneis, c'est de montrer la variété des gens qui se situent sur ce territoire. Parce que d'abord, il faut dire que cette légion qui est installée, cette cohorte qui est installée à Vindolanda, par exemple, dans le nord de l'Angleterre, au sud de ce qui est l'actuelle Écosse, eh bien, ce sont des Bataves. Donc, parce que le principe de base du gouvernement militaire de ces régions périphériques, c'est d'envoyer des gens qui viennent d'une autre région de l'Empire pour pouvoir discipliner ces quartiers. Donc là, c'est une 9e cohorte de Bataves dirigée par Flavius Serialis, dont vous avez parlé, qui est un noble batave, qui a été nommé par amitié pour le frère du gouverneur de Bretagne à ce moment-là. Et on a une sorte de petit moment de vie, pourrait-on dire, d'une vingtaine ou d'une trentaine d'années, à la fin du premier siècle, grâce à ces tablettes de Vindolanda, qui nous explique effectivement ce qu'est ce mélange des populations à la frontière. Mm-hmm. Oui, tout à fait. Alors c'est vraiment effectivement un point très important que celui-ci, à savoir ce mélange des populations qu'opère l'Empire. Alors il y a effectivement des Bataves, mais dès le deuxième siècle, on sait que ont été installés aussi, alors un petit peu plus bas, des populations iranophones, à savoir des Alains. Qui viennent donc de l'est de l'Empire en l'occurrence, on les transporte c'est à l'ouest. C'est ça. C'est des qui sont très prisés par l'armée romaine pour leurs compétences de cavaliers. Et ce sont donc des colonies d'Alains, ceux qu'on va appeler les cataphractaires, qui sont établis là. Sont établies également d'autres populations germaniques. Donc ce que je voudrais souligner, alors c'est vrai ici en Bretagne, mais c'est vrai aussi bien ailleurs. Partout, hein, oui, bien sûr. C'est ce cosmopolitisme. Et alors ce cosmopolitisme, évidemment, il a des conséquences au niveau, il a des implications juridiques qui m'intéressent, au premier chef comme historienne du droit. Mais ce cosmopolitisme a aussi des incidences, bien évidemment, au niveau culturel. Et on a pu dire que une bonne partie de la légende arthurienne, on a pu dire que l'image de cette épée fantastique Excalibur, que la coupe du Graal, etc., avait peut-être des origines, trouvait peut-être ses origines précisément dans ces colonies iranophones. Iranophones. Alors, quand on regarde cela de plus près avec vous, en tant qu'historienne du droit, on s'aperçoit aussi que les populations qui sont faites prisonnières, par exemple, qui ont combattu l'Empire romain, peuvent être installés à l'intérieur de cet empire sous un statut particulier que j'ai découvert grâce à vous, qui est le statut de déditis. Et donc ces déditis, ce sont des troupes qui sont des troupes donc vaincues par l'Empire romain, qui ont porté les armes contre l'Empire et qui néanmoins ont un droit particulier à l'intérieur de cet empire qui perdurera ce droit particulier même après l'édit de 212 qui est cet édit qui accorde la citoyenneté romaine à l'ensemble des gens qui vivent sur le territoire de l'Empire romain. Ils seront encore tributaires d'un droit différent, ces déditis, et c'est extrêmement important, par exemple pour cette Bretagne sur laquelle on parle, cette grande Bretagne antique du temps de l'Empire romain, Soisy Kernaïs. Oui, exactement. Pour être plus précise, et puisque nous étions sur le mur d'Adrien, les archéologues ont pu retrouver les traces d'habitats extrêmement temporaires au nord du mur d'Adrien, des sortes de camps dans lesquels se trouvaient des populations pour une durée très déterminée. Alors bon, je ne suis pas archéologue, mais ce qui m'a intéressée, c'est de mettre en relation ces témoignages archéologiques avec des sources, alors des sources littéraires et également des sources épigraphiques qui témoignent précisément de cette pratique de la déportation des populations vaincues d'un front à un autre. En l'occurrence, les nombreux prisonniers qui étaient faits sur le mur d'Adrien, dans la mesure où, comme vous l'avez rappelé, c'est Pictes. Pictes, ce sont des gens peints. Alors, on ne sait pas s'ils étaient peints ou tatoués. En tout cas, aspect effrayant pour un soldat romain. Donc, c'est Pictes régulièrement tenter de passer la frontière et certains étaient capturés et à partir du deuxième siècle après Jésus-Christ, donc de façon concomitante à l'établissement de la frontière. C'est vraiment un processus qu'il faut replacer dans la perspective de l'établissement de la frontière. Ces populations vont être donc dans un premier temps entreposées dans ces camps, enfin on peut l'imaginer, on peut le supposer, et déplacées pour être établi, alors au deuxième et troisième siècle, dans une région fragile, dans une région vulnérable pour l'Empire, à savoir l'espace compris entre le Rhin et le Danube, ce qu'on appelle les champs d'écumates. Là, l'épigraphie l'épigraphie témoigne de la présence de bretons, des unités numérus, des unités de bretons. Alors, il ne s'agit pas du tout d'unités régulières de l'armée romaine. Les unités régulières, c'était les légions et les auxiliaires. Là, il s'agit d'unités irrégulières. On les appelle les numéries, c'est ça? Les numéries, c'est cela. Ou les, alors, les numéries dans un contexte militaire, mais l'épigraphie nous parle aussi de natio, de nationes, les traités des militaires aussi, également. On peut dire qu'il s'agit des premières nations, les premières nations européennes. Donc ces populations bretonnes, au sens large du terme, hein, parce que les pics n'étaient pas forcément des bretons, mais enfin bon, en tout cas ils s'appelaient, c'est ça qui est intéressant, c'est le processus de constitution de ces nations, ils s'appellent natio de Breton, natio de Calédonie, ont été établis dans ce coin des germaniques, des bretons. Donc on a là, il y a encore une forme de cosmopolitisme. Alors, et ce qui est intéressant, c'est que vous dites que ces déditis, donc ces populations qui ont combattu l'Empire, qui ont pris les armes contre l'Empire, qui ont ensuite été faites prisonnières et ensuite utilisées à l'intérieur de l'Empire, c'est un peu une barbarité intérieure à l'Empire. Mmh. C'est-à-dire qu'on leur maintient des coutumes, des droits qui leur sont particuliers, alors qu'on veut justement unifier au point de vue juridique le reste de l'Empire, eh bien il y a ces gens-là qui vont rester très longtemps justement avec leurs coutumes et leurs droits singuliers, ce qui pose question à l'historienne du droit que vous êtes, Soisy Carnelis. Oui. Alors effectivement, il y a là une différence. Tandis que les auxiliaires subissaient un entraînement pour justement apprendre à combattre à la romaine, en revanche, les traités militaires nous le montrent bien, tout était fait pour que ces unités irrégulières conservent leurs usages, conservent leur langue, demeurent barbares, comme si d'une certaine façon ils étaient prisonniers de leur barbarité. Donc conservent leur langue, conservent leur technique de combat, c'est là que pour l'historien du droit cela est intéressant, conservent sans doute aussi une partie de leur coutume, tout au moins celle qui n'était pas contraire à l'ordre public romain. Ce que l'on sait, c'est, alors vous avez parlé de l'édit de Caracalla en 212, effectivement, qui donne la citoyenneté romaine à tous les ressortissants de l'Empire, mais l'édit avait prévu aménager une exception. Et cette exception, c'était précisément celle des déditis. Alors, on a beaucoup écrit, c'est la question de l'édit Caracalla a suscité une historiographie immense. Surtout il y a quelques années pour l'anniversaire, justement, de 212. Oui, c'est vraiment, alors, qui sont ces déditis? Qui étaient ces déditis? Pourquoi Caracalla avait-il prévu cette exception? On l'a beaucoup écrit. Et, on a souvent pensé à une catégorie de déditis affranchis, mais, me semble-t-il, alors sans doute, hein, sans doute, je ne remets pas en cause cette hypothèse, évidemment, mais sans doute, me semble-t-il, et surtout vu la personnalité de Caracalla, qui aimait s'entourer de gardes barbares, me semble-t-il, cette catégorie de déditis concernait aussi, et de mon point de vue, peut-être principalement, les déditis barbares. Pourquoi? Parce que, ce faisant, Caracalla avait veillé à ce qu'ils ne deviennent pas des citoyens romains. Parce que s'ils étaient devenus des citoyens romains, comment les utiliser de cette façon-là? Comment les utiliser? Comment leur conserver leurs usages barbares? Comment continuer à les utiliser de façon discrétionnaire? Parce qu'en fait, c'est cela. Surtout que il faut dire que il y a des attaques régulières, que ce territoire romain de la Grande-Bretagne actuelle, Bretagne romaine de l'époque, n'est pas totalement sécurisé, pourrait-on dire. On crée des cités, on crée des routes, évidemment, il est mis à l'aune du reste de l'Empire, mais néanmoins, il y a toujours des révoltes qui se déroulent régulièrement, et que parfois, eh bien, on va faire appel à ces barbares, par exemple, du côté, je crois, du Pays de Galles, pour pouvoir protéger les côtes. Des marins barbares vont devenir des auxiliaires de l'armée romaine classique, d'une certaine façon, pour protéger les côtes qui sont attaquées par des populations qui viennent de l'extérieur. Donc, on utilise ces barbares de manière un peu particulière au sein de cet empire, et en particulier dans cette île de Bretagne. Exactement. Exactement. L'empire a créé des réserves, hein, des réserves de militaires, des deux côtés de l'île, en fait. D'une part, des réserves à l'ouest pour parer le danger Scott, c'est-à-dire les envahisseurs venus d'Irlande. Et de l'autre côté de l'île, ce qu'on appelle le Litus Saxonicus, qui est donc la frontière, l'aménagement de réserve contre, cette fois-ci, le danger saxon. Et à chaque fois, ce sont ces communautés de barbares qui sont utilisées, c'est-à-dire que ces communautés sont établies pour constituer des réserves de soldats de seconde zone, hein, des réserves de soldats que l'on peut recruter de façon discrétionnaire. Alors on a parlé de ces tablettes de Vindolanda, il nous faut parler d'autres tablettes retrouvées, elles, au sud de l'Angleterre, du côté de Bath, dans trois sanctuaires qui sont célèbres pour tous ceux et toutes celles qui s'intéressent à ces questions. Ce sont des sanctuaires qui sont des endroits où on rendait un culte. Et là, on a un autre regard, pourrait-on dire, sur cette romanisation de la Bretagne romaine, de la Grande-Bretagne romaine, parce qu'on y voit comment on fait appel au dieu, à son dieu, d'une certaine façon, dans un contexte romain, pour contester les décisions des tribunaux romains, et pour contester, pour pouvoir en tout cas avoir une alternative. Oui, une alternative. Voilà, tout à fait. Tandis qu'au nord, donc, ce que l'on voit, c'est cette forme de cette justice militaire, autoritaire, expéditive, qui passe beaucoup par le châtiment corporel. Si l'on regarde au sud, apparaît à travers des sources qui, a priori, ne devraient pas intéresser l'historien du droit, apparaît une autre forme de justice. Je veux parler, vous l'avez évoqué, de ce que les Anglais appellent les curse tablets, tabellae defictionis. C'est ça, des defictiones, et que on a pris l'habitude plutôt d'appeler des prières judiciaires. Mmh. Alors le format, il s'agit de petites tablettes de plomb, bien souvent, vraiment assez petites, sur lesquelles était inscrit un texte. Alors, à vrai dire, ce genre de source est assez répandu en Orient, et il s'agit effectivement de defictiones, c'est-à-dire des tablettes de malédiction. Mais le domaine d'application, pour le coup, n'intéresse vraiment pas l'historien du droit, puisque bien souvent, il s'agit de tablettes que l'on va rédiger dans le cadre de conflits amoureux ou bien dans le cadre de compétitions sportives. Mais ici, ce qui est intéressant, c'est l'application judiciaire qui en a été faite. C'est-à-dire que ces tablettes consignent une requête. Une requête qui s'adresse, alors, plus qu'à un dieu, à la majesté du dieu, un terme du vocabulaire politique romain. Le plaignant s'adresse à son dieu, en l'occurrence lorsqu'il s'agit de Baal des Soul, pour lui demander la restitution de l'objet volé. Mais ce qui est intéressant, c'est que semble-t-il, ces tablettes sont assez, le contenu du texte est assez stéréotypé, ce qui a pu laisser penser qu'en fait il y avait derrière ces tablettes, il fallait restituer des formulaires, que le plaignant recopier ou faisait recopier pour adresser sa requête à son dieu. Alors l'idée, la procédure semble-t-il comporte deux étapes ou même trois étapes. Une première étape qui serait une sorte de procédure de conciliation, comme encore aujourd'hui, toute procédure débute par une procédure de conciliation. Ensuite, l'affichage de la plainte, qui était sans doute le moment clé de cette procédure. L'affichage sur le mur, sur le temple. On passe avec l'arrivée des Romains dans cette Grande-Bretagne romaine, on passe à une culture de l'écrit qui n'était pas tellement répandue, voire pas répandue du tout auparavant, et qu'il faut donc que ces citoyens puissent lire ce qui est marqué sur les murs, en l'occurrence de ces nouvelles villes qui sont créées par Rome. Oui, alors, mais alors là, l'écrit, je dirais que l'écrit, là, est un peut-être un petit peu différent. C'est-à-dire que là, il s'agit d'un écrit pour faire pression. Mmh. Attention, si l'objet n'est pas restitué, je vais saisir la divinité. Donc c'est en fait la menace de la malédiction qui va rendre cette demande efficace. Et alors là, puisque nous avons le regret de déplorer la disparition de Marcel d'Étienne, je reprendrai sa formule, comparer l'incomparable. Mmh. C'est-à-dire que pour comprendre ces documents, on peut se référer aux travaux des anthropologues et notamment les travaux d'une de mes collègues de Nanterre, Catherine Barouin, qui a montré que le même genre de procédure a cours d'ailleurs en Nouvelle-Guinée. C'est-à-dire que c'est sous la pression de la malédiction d'un dieu que le voleur va rendre l'objet. Et il y a une troisième phase tout de même qui peut aller plus loin, c'est l'ordalie. Alors là, l'ordalie par les eaux, vous pouvez nous expliquer ce qu'il en est? Parce qu'on pensait que, généralement, quand on s'intéresse à l'ordalie, que c'était du domaine germanique, plus tardif, le jugement par le chaudron, la façon dont, d'une certaine façon, on allait marquer sa culpabilité en étant soit brûlé, soit d'autres types d'ordalie. Là, en l'occurrence, c'est une ordalie par les eaux qui existe donc au 1er, 2e siècle, au tout début, c'est à quelle époque qu'on la trouve dans la région de Bath? Alors, dans la région de Bath, je ne parlerai pas encore d'une ordalie véritablement. C'est-à-dire que dans la deuxième phase de cette procédure, intervient, les sources nous parlent parfois du chaudron. C'est-à-dire que le dieu va se prononcer à travers le chaudron. Mais là, il faut penser au chaudron comme outil de vérité, comme révélateur de la vérité. Ce qui renvoie à tout l'univers irlandais, enfin ce chaudron dans cette forme-là, est bien illustré par les sources irlandaises. Le chaudron, c'est la vérité, fear. C'est la justice du roi aussi, fear. Fear, la vérité. Donc là, c'est le chaudron, mais plutôt comme un outil de divination. Il n'est pas encore une ordalie. Pour qu'il devienne une ordalie, il me semble qu'il faut attendre un petit peu, c'est-à-dire le 4e siècle après Jésus-Christ, puisque une source du même genre, encore une table de plomb, nous montre à Trèves le chaudron devenu une ordalie, en fait comme un équivalent de la torture que subissait le plaignant civil. Donc par-delà tous ces détails, ce que je voudrais montrer, c'est ce processus d'acculturation qui se produit dans ces régions en raison justement des coutumes propres de ces populations. L'Empire accepte un aménagement de son droit. On passe du jus au directus, du droit romain à autre chose qui va devenir le droit, en l'occurrence. Mais dans ce moment et dans cet espace géographique qu'est la Bretagne romaine, vous dites, il y a un changement, c'est-à-dire qu'on accepte que d'autres modes de droit puissent s'exercer à certains moments sur ce territoire romain. C'est cela. Quand on parle du droit romain, il ne faut pas imaginer le droit romain au singulier, justement. Il y a bien des formes de droit romain. On pourrait prendre l'image d'un jeu de miroir, si vous voulez. Et donc, une des images du droit romain, enfin certaines images du droit romain, renvoient précisément l'image d'un droit... Alors, déformé, diront les juristes, ça n'est pas conforme à la règle, mais précisément... Qui s'adapte. C'est cela. C'est dans cet écart que se nourrit la vitalité du droit. Parce que pour les gens qui... Ces tablettes dont je parlais, il y en a des centaines, ce n'est pas une petite... Vous dites qu'on en a trouvé 1600 à ce jour sur les trois grands sanctuaires du sud de la Bretagne. C'est ça, et il faut en imaginer bien d'autres, en fait. C'est une procédure qui avait cours. Alors, uniquement en matière de vol. Mais les gens y croyaient. Et donc, qu'est-ce que c'est que le droit? Peut-être, l'important, c'est que les gens y croient. Et vous dites aussi, c'est très intéressant, que au fur et à mesure qu'on avance dans cet empire romain finissant, eh bien, on va avoir des bouleversements qui sont dus à la présence de ces barbares, entre guillemets, sur le sol romain depuis longtemps. C'est-à-dire que vous expliquez qu'ils ont toujours été là, que ce ne sont pas des invasions qui arrivent comme ça, comme on l'a souvent raconté. Ils sont là, ils sont présents, ils ont leurs droits, ils ont même la volonté, dites-vous, de faire construire des nouveaux temples pour leurs dieux. que dans certains endroits de cette Bretagne romaine, on va construire des temples alors que la religion chrétienne s'est déjà installée, c'est la religion de l'Empire au IVe siècle. Et ça, c'est assez surprenant. C'est-à-dire qu'il faut leur rendre grâce pour les avantages qu'ils accordent à cet empire romain. Alors, il y a effectivement une vitalité de ces du paganisme que l'on peut constater notamment au Pays de Galles, mais précisément sans doute en relation avec l'établissement de ces communautés dont je parlais, celle qu'on appelait la Valencia, des communautés de populations qui viennent de l'Irlande et de également du nord du mur, qui sont établies là et qui ont leurs coutumes, leurs croyances, et effectivement cela induit un regain du paganisme. Oui, et donc ce que vous nous proposez avec tous ceux qui ont écrit avec vous l'histoire juridique de l'Occident, paru l'année dernière aux presses universitaires de France à la collection Nouvelle Clio, Soisy Kernéis, ce que vous nous proposez, c'est un empire bien plus chamarré, bien plus bigarré que celui que l'on imagine habituellement. Ça n'est pas une sorte de tapis qui s'imposerait partout dans l'ensemble de l'Empire, dans tous les lieux de l'Empire, avec un seul droit qui s'imposerait, mais c'est quelque chose de bien plus, bien différent. Voilà, effectivement, ce que nous avons essayé de montrer dans cet ouvrage, c'est la diversité de l'héritage de Rome. C'est-à-dire que, alors, nous sommes juristes, nous sommes historiens du droit, et évidemment, nous ne remettons pas en question l'importance du droit romain. Ce n'est pas du tout notre idée. Simplement, nous voulons montrer que, à côté de ce droit romain et à côté aussi de des formes juridiques ordinaires, il y a d'autres façons de penser la norme qui se sont développées en relation justement avec ces établissements barbares. Donc ce que l'on a essayé de restituer, mais la tâche n'est pas toujours facile parce que évidemment les sources sont là beaucoup moins nombreuses. Bien et sûr. Qu'il faut aller les chercher justement parfois dans les poubelles des camps ou dans les temples. Donc ce que l'on a voulu essayer de restituer, c'est l'importance de cet héritage culturel et juridique. C'est peut-être ce qui explique, vous parliez tout à l'heure de jus et directum, c'est peut-être ce qui explique que le mot par lequel nous parlons aujourd'hui du droit, ne vient pas du jus, mais vient d'un mot du latin vulgaire, directum. Peut-être faut-il y voir là une forme de l'héritage issu des populations barbares de l'Empire. Merci beaucoup, Soisy Kernéis, d'être venu nous présenter à la fois votre ouvrage collectif Une histoire juridique de l'Occident, le droit et la coutume aux presses universitaires de France, mais l'ensemble de vos travaux sur cette Bretagne romaine dont vous nous avez parlé depuis le début de cette émission. Et puis, puisque vous évoquiez tout à l'heure la mémoire de Marcel Detienne, eh bien, nous allons en parler avec Christian Jacob, qui vient tout juste d'arriver en studio. Christian Jacob connaissait Marcel Detienne, le grand historien et anthropologue de la Grèce antique, et pas simplement de la comparaison justement entre des cultures très différentes depuis 1977. Il va nous en parler tout de suite après un extrait du Gai Savoir. C'était en 2000. Gérard Gromet recevait sur France Culture Marcel Detienne à propos justement de comparer l'incomparable. Je pense qu'il n'y a pas de limite dans la curiosité des historiens et des anthropologues ensemble, pas séparés. Parce que je pense qu'effectivement, l'histoire, sa vocation, c'est l'ensemble des sociétés humaines. Et l'anthropologie, c'est les sociétés de l'ailleurs, mais c'est toutes les sociétés humaines aussi, et aussi bien historiques. Et donc, par conséquent, ce sont deux disciplines, deux savoirs, qui ont en commun ce très grand appétit pour les objets culturels, les expériences culturelles de l'humanité. Et nous savons que l'humanité en a fait un nombre très important. Nous en connaissons une toute petite partie, mais enfin, nous avons quand même à peu près entre 5 et 6 000 culture partagée entre les anthropologues et les historiens. Et donc, pourquoi se priver de cette abondance, de cette richesse, si nous nous intéressons à la production des faits culturels? Alors Marcel de Tienne, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, Christian Jacob, c'était un immense chercheur qui avait fait son chemin depuis Liège jusqu'à Paris. Il avait 84 ans, on a appris sa disparition vendredi dernier. Il était au départ spécialiste de Grèce antique, mais il avait élargi son spectre de façon considérable en travaillant à la fois en France, mais également à Johns Hopkins aux États-Unis. Vous avez été son étudiant et vous l'avez suivi et son ami depuis très longtemps. Qu'est-ce qu'il a apporté à la fois à cette école française sur la Grèce antique, dont on a souvent parlé en citant les noms de Pierre Vidal-Naquet, mais aussi de Jean-Pierre Vernant, plus généralement au rapport des sciences humaines entre elles? Marcel de Tienne a d'abord apporté une immense compétence d'helléniste, de philologue, de spécialiste des textes. C'était sans doute celui de cette génération avec Vidal, Vernant, Nicole Leroux, qui avait la plus grande maîtrise technique du monde grec. Il a aussi apporté des questionnements qui ont évolué au fil des années. On pourrait dire que ses premiers travaux se situaient un petit peu dans le prolongement des questionnements de Jean-Pierre Vernant, de la tradition de la psychologie historique, avec une réflexion par exemple sur la vérité, avec son livre Les Maîtres de Vérité, et aussi ce magnifique ouvrage Les Ruses de l'Intelligence, la Métis chez les Grecs, qui reste un livre incontournable, qui a eu des répercussions immenses, enfin, que l'on pense par exemple à Michel de Certeau et d'autres. Et il y a eu une seconde étape, on pourrait dire, qui a été celle de l'anthropologue qui a voulu approfondir finalement les méthodes de Claude Lévi-Strauss dans Les Dernières Mythologiques et dans La Geste d'Adiswald, avec ce livre encore magnifique, Les Jardins d'Adonis, la mythologie des aromates en Grèce ancienne. C'est un livre plein de senteurs, de paysages exotiques, où on se promène des fenêtres d'Athènes jusqu'au désert d'Arabie. C'est une magnifique leçon de méthode. Et cet anthropologue a aussi travaillé avec Vernant sur la cuisine du sacrifice. Et je dirais qu'une troisième perspective a été celle du comparatiste. Marcel de Tienne, comme il l'a bien expliqué dans son livre « Comparer l'incomparable », est un technicien de laboratoire, un inventeur de laboratoire qui a pratiqué un comparatisme expérimental. Et il me disait souvent « Prenons quelques gouttes du Japon, d'Afrique, des Cosaques, d'Ukraine, mettons-les sur la Grèce et voyons ce qui se passe. » Donc une démarche extrêmement expérimentale. Parfois, il y avait des trous, des changements de couleur, des changements de visibilité. Et ça donnait lieu à tout un ensemble de livres absolument remarquables. Parce que la particularité aussi de Marcel de Tienne, c'était de détester l'enfermement disciplinaire, de haïr l'enfermement du national. Il a beaucoup travaillé contre l'identité nationale qu'elle s'était développée en Europe depuis le début du nouveau millénaire, pourrait-on dire, et il n'aimait rien tant que de provoquer. Il a provoqué, y compris ses propres amis, il a provoqué les historiens ou les historiennes qui voulaient rester dans un cadre national en disant « mais non, il faut aller voir totalement ailleurs, Christian Jacob ». Effectivement, Marcel de Tienne était quelqu'un qui aimait la controverse parfois et qui n'hésitait pas à monter au front. Moi, je garde le souvenir de polémiques contre des hellénistes beaucoup plus traditionalistes dans les années 80 et qui s'opposaient très vigoureusement à cette école. De Tienne était un partisan de l'ouverture, et de l'intelligence, des Russes de l'intelligence, on pourrait dire. Et il apprenait ce dialogue entre anthropologues, sociologues, philosophes et historien pour, dans les dernières années de sa carrière, revenir à des questions fondamentales, l'identité, l'autochtonie, qu'est-ce qu'être un Français de souche, de race. Comment être autochtone, voilà, de pur Athénien au Français raciné, c'était lui qui avait trouvé cette formule, effectivement, contre les racines. Quand on est historien, on ne peut pas rester accroché à ses racines. Tout à fait. Et il y avait bien entendu des enjeux politiques qui restent malheureusement tout à fait d'actualité aujourd'hui, c'est-à-dire ce sont certainement des textes qu'il faut relire. Il faut donc relire à la fois comment être autochtone, du pur athénien en français raciné, rendre un hommage à celui qui les a édités, Maurice Hollander, qui était aussi très proche de Marcel Détienne, et qui continue à travailler dans la librairie du 21e siècle à publier des auteurs singuliers comme Marcel Détienne, et puis comparer l'incomparable et tous ces livres du début de la carrière de Marcel Détienne, donc qui sont ceux qu'il avait travaillé en particulier avec Jean-Pierre Vernant. Jean-Pierre Vernant avec lequel parfois il avait des conflits d'interprétation. Il trouvait que Jean-Pierre Vernant était trop revenu justement sur le territoire national, sur l'histoire, et avait perdu un peu cet aspect qu'il avait au départ et qu'il avait séduit, lui, d'ouverture, Christian Jacob. Oui, dans les dernières années, il y a eu effectivement une controverse avec Jean-Pierre Vernant sur les limites, les frontières, l'extension du champ de cette recherche sur le monde grec. Doit-on rester enfermé dans cette civilisation ou au contraire faut-il l'ouvrir, la mettre en jeu, la mettre en risque par le biais du comparatisme? Merci beaucoup Christian Jacob d'être venu quelques minutes nous parler de l'œuvre de celui dont on a appris la disparition vendredi dernier. Merci d'être venu à la Fabrique de l'Histoire pour parler de Marcel Détienne. Bonjour à vous Jean-Marc Bastière. Bonjour. Vous êtes avec nous comme chaque mois pour parler de votre magazine Histoire et Civilisation dont vous êtes le rédacteur en chef et qui consacre ce mois-ci son dossier aux Omeyyades. Et vous nous posez la question de savoir comment cette dynastie des Omeyyades ont pu gouverner le monde musulman de 661 à 750. Eh bien, 30 ans après la mort de Mahomet, en 632, ce sont ses pires ennemis, le clan des Omeyyades, lequel clan avait provoqué son exil, qui prennent les rênes de la communauté qu'il avait fondée à Médine. Or, 25 ans plus tard, les anciens compagnons du prophète se déchirent dans une guerre civile. Ali, le quatrième calife et cousin du prophète, se retrouve isolé de ses principaux soutiens. Mouavia, gouverneur de Damas, issu du clan des Omeyyades, se saisit alors du pouvoir. En 661, il est reconnu l'unique souverain de l'islam. Il impose son fils comme successeur au califat. C'est ainsi que commence la brillante dynastie des Omeyyades. Notons qu'une des conséquences du conflit fut la division, appelée à perdurer, entre sunnites et chiites. Alors c'est tout de même une dynastie qui est très conquérante et qui d'abord va voler de victoire en victoire, Jean-Marc. Oui, pendant 8 décennies, la première dynastie de l'islam accumule les victoires militaires et construit en peu de temps un vaste empire qui se veut universel. Elle s'empare de l'Irak et de l'Iran, de la Syrie et de l'Égypte. Elle étend sa domination en Asie centrale et conquiert l'Afrique du Nord. Au début du 8e siècle, c'est au tour de la péninsule ibérique et d'une partie de la Gaule de tomber. L'empereur byzantin parvient, seul, à résister aux assauts des Omeyyades, protégé qu'il est par le Bosphore et les montagnes d'Anatolie. La dynastie est aussi mise en échec à la bataille de Poitiers devant les Francs en 732. Alors on se posait la question de savoir comment fonctionnait un empire qui était l'empire romain tout à l'heure avec Soisic Kernéis. Comment fonctionne cet empire immense des Omeyyades? Les Omeyyades règnent depuis l'ancienne cité byzantine de Damas. Aujourd'hui, la grande mosquée, construite entre 705 et 715 sous le règne du 6e calife Omeyyade, est l'un des monuments les plus anciens de l'islam. Les califes, en effet, firent édifier dans tout l'empire d'immenses mosquées inspirées des traditions architecturale de l'Antiquité tardive. L'objectif premier de cette dynastie, les Omeyyades portent le titre de serviteurs de Dieu et de commandeurs des croyants, est d'établir la souveraineté des Arabes et celle du Dieu qui a révélé le Coran. Cependant, les guerriers arabes ne représentent qu'une infime minorité. Ils constituent une élite militaire héréditaire qui ne payait pratiquement pas d'impôts et vivait de généreuses pensions. Quant aux populations soumises, elles sont autorisées à garder leurs religions ancestrales. Les Omeyyades se contentent de reprendre les structures bureaucratiques des empires précédents. Il fallut du temps pour que l'arabe s'affirme comme langue de l'État, et plus encore pour qu'une partie des fonctionnaires soit remplacée par des musulmans. Alors quel fut leur rôle religieux à ces Omeyyades, d'après ce que vous avez pu dire dans votre magazine Histoire et Civilisation, Jean-Marc Bastière? Eh bien, les Omeyyades jouèrent un rôle capital dans la formation du dogme musulman et des rites communautaires. C'est durant leur règne que le terme d'islam désigne de façon définitive la nouvelle religion, distincte des autres monothéismes bibliques. À la fin du 7e siècle, ils firent promulguer une version unifiée du Coran. Ils mettent au centre du dogme musulman la croyance en la prophétie de Mahomet. Ainsi, Abd al-Malik fit inscrire sur ses monnaies et ses monuments que Muhammad est l'envoyé de Dieu. Si les Omeyyades finissent par être contestés et abattus, en 750, une nouvelle dynastie, celle des Abbassides, prend le pouvoir. Elle a néanmoins marqué d'une empreinte profonde et durable la civilisation islamique. Merci Jean-Marc Bastia. Je rappelle que donc le dernier numéro, le dossier du dernier numéro de Histoire et Civilisation que vous dirigez en tant que rédacteur en chef est consacré aux Omeyyades, le premier empire islamique, et qu'on y trouve en particulier deux articles, l'un signé Gabriel Martinez-Gros et l'autre Mathieu Tillier sur ces califes Omeyyades. Et puisque vous aimez bien les empires, visiblement, vous parlez également des complots contre Alexandre dans ce dernier numéro de Histoire et Civilisation. Un dernier petit mot, Christian Jacob, à propos de la disparition donc de Marcel Détienne. Vous, en tant qu'étudiant, il a bouleversé vos propres visions des choses. Comment avez-vous envisagé justement son enseignement avant de devenir son ami et de travailler avec lui? Oui, absolument. Enfin, j'étais son disciple. Je lui dois tout mon cheminement intellectuel. Et votre volonté, vous aussi, oui, de comparer tout le temps, d'élargir, de questionner et de considérer l'Antiquité comme un terrain parmi d'autres. Je garde le souvenir d'un maître extraordinairement généreux, disponible pour ses étudiants, avec beaucoup d'humour, beaucoup d'inventivité, de générosité. Enfin, voilà. C'est une immense peine pour tous les gens qui l'ont connu. C'est un esprit aussi, c'était une approche qui était si particulière. Oui. Et on rappelait qu'il était natif de Belgique et qu'on voulait toujours le considérer comme français, mais il rappelait toujours qu'il n'était pas français d'origine, enfin il était natif de Liège. Mais on pourrait dire que c'était le plus italien des Belges, avec de l'humour, de la vivacité, de la pétulance. Et vous-même, Sozi Kernéis, puisque vous êtes intervenu, vous me disiez avant cette émission que comparer la comparable avait été un très grand choc dans votre carrière d'historienne du droit. Tout à fait, parce que un certain nombre de sources, me semble-t-il, ne peuvent être comprises que, justement, si on essaie de les comparer à ce qui, a priori, n'a rien à voir. Exactement. Merci beaucoup, merci à vous, Sozi Kernéis, merci Christian Jacob d'être venu, merci Jean-Marc Bastière. Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Marion Dupont et Céline Leclerc. Clément Daté était avec nous à la technique aujourd'hui et Marie-Laure Ciboulet à la réalisation. On se retrouve demain pour continuer à traiter de la Grande-Bretagne et de l'Europe. Et nous parlerons demain d'anglophobie.